bopeto ya libota somba sabuni familia. Malasi kitoko Monene pona libota Okati obomi namo Impresa Malabar Adoliste bona Oh Roger Nene Swingy Chouchou Pour une bonne propriété dans la famille Il vous faut un savon robuste, divisible, multi-usage. Familia, pour tous les besoins de la famille. Familia, savon famille, pour les besoins de la famille. Familia, savon famille, pour les besoins de la famille. Mieux faire ta lessive. Travaux ménagers, multi-usages. Savon famille, pour les besoins de la famille. Savon bien parfumé. Livrez vos robuste, divisible, à chacun son morceau. Familia. Locas, elle promo. Venga la biso, Roger Nene Swingy, na Lisboa. Biso Banso, Pona Bopeto Alibota, Sabuni, Familia. JP Ilunga, Mavero, Germaine Kitoko, Buya Tobina la Samba, le rythme, ya Sabuni, Familia. Ouye, Locas, El Promo. Ok, ma cambo, hein? Pour les besoins de la famille, on a mis votre pour les besoins de la famille.